chansons qui faisaient pleurer. J'ai connu des maisons, des greniers d'artistes, mais je n'ai jamais trouvé. J'ai cherché des ans et des ans, et aujourd'hui j'ai découvert que c'est dans mon piano que se cache la mer, que c'est dans mon piano qu'il y a la mer. Tous les pays de la terre entière, marcher sous les soleils plus chauds que le feu. J'ai bu dans les ruisseaux qui deviennent rivières, mais je n'ai jamais trouvé. Je cherchais à voir l'océan, et aujourd'hui j'ai découvert que c'est dans mon piano que se cache la mer, que c'est dans mon piano qu'il y a la mer. Je me suis promené sur tous les rivages, pendant les équinoxes à chaque printemps. J'ai vu des filles nues et des coquillages, mais je n'ai jamais trouvé. Je cherchais les poissons d'argent, et aujourd'hui j'ai découvert que c'est dans mon piano que se cache la mer, que c'est dans mon piano. Se cache la mer, que c'est dans